Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est reparti pour une saison de Disco Funk. Et pour ne rien oublier, nous allons commencer par la découverte du jour. Mark Sadan est un chanteur américain de Disco Funk né Marcus Sadan à Savannah en Georgie, aux États-Unis bien sûr. Il part pour New York et devient chanteur-leader des Tungsten Steel. En solo, il est produit par James McTune et Reggie Lucas. Il va sortir 4 titres durant le début des années 80, dont celui que nous allons écouter maintenant, One Minute for Love. C'est parti. On va faire un petit détour par les 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, Love Unlimited et son Love's Theme. L'amour est un des thèmes de prédilection du disco. Love Train, Love Epidemic et Love is a Message sont tous des hymnes fondateurs du disco. Un des plus célèbres représentants n'est autre que Barry White. Sur le second album de son trio vocal Love Unlimited, il ajoute Love's Theme, sans s'imaginer l'impact que produira ce titre instrumental. Un jour, Nick Ciano, un DJ, et David Rodriguez se retrouvent dans un bureau de la 20th Century. Des disques sont prêts à partir à la benne, et ils en prennent un juste pour voir. Une pochette bleue, avec trois jolies jeunes femmes, aux coiffures afro et souriantes, attire leur attention. L'écoute va les faire tomber à la renverse. La diffusion en discothèque et le succès qui en résulte forcent alors la compagnie à le sortir en 45 tours. C'était pas prévu du tout à la base. Il va s'en vendre des millions et cela devient bien sûr numéro 1. Alors, il va y avoir aussi une version chantée qui sera incluse dans l'album In It. Barry White a tapé juste et sa carrière s'en retrouve changée à tout jamais. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Nouvelle rubrique, comme je vous l'avais dit précédemment, à la fin de la... enfin, pendant l'été. On va écouter une fois par mois un morceau sorti il y a 40 ans. Pour ce premier morceau paru en septembre 1984, c'est Das Band avec son Let It All Blow qui va inaugurer notre rubrique. Le son est bien électro, conformément aux standards de l'époque. Le morceau sera extrait de l'album Jukebox, paru la même année. Bon, alors, côté classement de ce titre, une insignifiante 110e place aux États-Unis, oui, ailleurs même pas classé. Bon, ça n'empêche qu'on va quand même se l'écouter, des fois que. La suite, c'est évidemment le maxi. Pour le coup, ça va pas changer. un groupe que l'on n'a pas entendu depuis fort longtemps, Firefly. Extrait de l'album paru en 1981, My Desire, il s'agit du second album de la formation. Le morceau qu'on va écouter, bien sûr, il est sorti après le tube qui est Love is Gonna Be On Your Side, et donc c'était difficile de se faire une place. Moi, perso, je le trouve bien, mais faut avouer quand même que c'est un cran en dessous de Love is Gonna Be On Your Side. Le titre, c'est Our Trade is Live. Faites-vous votre propre avis, vous allez me dire. C'était en 1981, et ça donnait ça. pour la pépite, je vais vous proposer Prince pour commencer cette nouvelle saison. Un titre sulfureux comme ce dernier savait les faire, Dirty Mind. Paru en novembre 1980, il fait partie de la légende du chanteur. Ce titre se classera 8e dans les hits US. Un bon son funk teinté d'un peu de synthétiseur. C'est parti! Nous voilà à la fin de notre rendez-vous. C'était très sympa pour une reprise et je pense que l'on va bien s'amuser cette année. Je vais vous dire bonne soirée et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!